bien. La piste d'en haut, la piste d'en bas, toi. Nickel. Ah non, c'est bon. Tout donné, tout s'est effacé.